Alors, mon pauvre lave-vaisselle, comme ça, tu nous quittes ? Eh ouais, mon frigo sûr, c'est la fin, je suis plus étanche, je lave plus une assiette. Oh, tu vas connaître les joies du recyclage ! Ouais, j'ai peur de ouf, ça fait mal ça, tu penses ? Mais non, regarde-moi, j'en suis à ma deuxième vie et ça m'a fait ni chaud ni froid. Ah ouais, ni chaud ni froid, j'ai compris. Ne jetez pas vos appareils hors d'usage. Tout ce qui fonctionne sur secteur, pile ou batterie, se recycle en magasin et déchetterie. Trouvez votre point de collecte sur écosystème.eco. Écosystème, recycler, c'est protéger. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. De Londres à Brazzaville, rejoindre la France libre. Oui, que signifie quitter le territoire métropolitain pour rejoindre un homme qu'on a entendu à la radio, le général de Gaulle? Le combat continue, dit-il. Rejoindre la France libre, oui, pour aller combattre. Et pourquoi pas en Afrique, l'Afrique du Nord, avec des surnoms donnés à ses combattants. Tiens, il y a l'Allemand Rommel. Et qu'en est-il pour ces Français qui combattent? Ce sont des clochards épiques. Oui, clochards épiques. Pas la peine d'un long discours ici, dans le cours de l'histoire sur France Culture. Laissons la parole à Malraux. Voici le fracas des chars allemands qui remontent vers la Normandie à travers les longues plaintes des bestiaux réveillés. Grâce à toi, les chars n'arriveront pas à temps. Et quand la trouée des alliés commence, regarde, préfet, surgir dans toutes les villes de France les commissaires de la République, sauf lorsqu'on les a tués. Tu as envié comme nous les clochards épiques de Leclerc. Regarde, combattants, tes clochards sortir à quatre pattes de leur maquis de chêne et arrêter avec leurs mains paysannes formées au bazooka l'une des premières divisions cuirassées de l'Empire hitlérien, la division d'Assrache. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Au moment où Jean Moulin entre au Panthéon, André Malraux prononce son célèbre discours et il évoque le général Leclerc et ses clochards épiques. Bonjour Sylvie Zedman. Bonjour. Clochards épiques, ça leur convient bien ? Ah oui, comme on le verra, ça leur convient bien vu leurs moyens. Oui, c'est ça, vu leurs moyens, parce que c'est une véritable aventure qui se passe avec ces soldats du désert. Je reprends le titre de cette exposition qui se tient au Musée de la Libération à Paris, hein, musée du général Leclerc, musée Jean Moulin. Cette histoire-là est une histoire qui débute dès les premiers temps de l'armistice voulu par le maréchal Pétain. Qui est le général Leclerc d'ailleurs en juin 1940? Alors en juin 1940... On a affaire à Philippe de Hautecloque. Il n'est pas encore Leclerc. Qui n'est pas encore Leclerc, qui va devenir Leclerc. Mais en juin 1940, donc Philippe de Hautecloque est un militaire, est un capitaine de l'armée française qui se bat comme un lion et qui, en fait, va refuser toute capitulation, toute reddition et quitter le territoire français pour rejoindre de Gaulle, dont il n'a pas entendu l'appel. Avec nous aujourd'hui également Olivier Vivorca. Bonjour Olivier Vivorca. Bonjour. Le général, alors il n'est pas encore Leclerc, le général Hautecloque, est celui qui rejoint le général de Gaulle avec cette idée que le combat continue, il n'est pas le seul. Oui, je crois que ce qu'il faut quand même souligner, c'est que c'est un officier brillant, qui a toujours excellé, il sort 5e de Saint-Cyr, donc c'est un officier brillant. C'est un officier d'extrême droite, il faut bien le souligner. C'est-à-dire que c'est un disciple de Charles Maurras, il est lecteur de l'Action française, et donc de ce point de vue il est intéressant parce que d'une part il confirme que la résistance et la France libre n'a pas été composée que d'hommes de gauche, mais il confirme aussi que dans la nébuleuse d'extrême droite, il est plutôt une exception, puisque Maurras, au contraire, salue la divine surprise que représente l'accession de Philippe Pétain au pouvoir. Et donc, au fond, il accepte, bon an mal an, la collaboration, ce que Leclerc d'emblée refuse. La rupture avec Maurras sera progressive, Il n'en reste pas moins vrai qu'à son retour en France en 1944, il fera brûler les exemplaires de l'Action française qu'il avait dans son château. Eh oui, parce que là, cette histoire est celle de l'engagement. Celle de l'engagement de toutes les formes que peut prendre cet engagement. C'est ici l'extrême droite qui est concernée. Il y a aussi d'autres. Alors, il faut toujours rappeler, le contexte est très important. Nous sommes en 1940, c'est début de la guerre. Pour les communistes, la situation est complexe également. S'engager ou pas s'engager. Non, mais il y a ce pacte entre Hitler et Staline. Donc, ce n'est pas une lecture simple de dire ceux qui résistent sont plutôt issus de la gauche. En fait, c'est tout l'éventail possible du politique. Tout à fait. Donc, l'engagement, les logiques de l'engagement sont très compliquées. Et donc, il faut faire très attention, me semble-t-il, aujourd'hui, à ne pas porter un jugement moral sur ce qu'il aurait fallu faire, mais réfléchir en termes, si vous voulez, de marge. Qu'est-ce que l'on pouvait faire ? Alors, de ce point de vue, il faut souligner que l'engagement dans les forces françaises libres n'est pas le même que l'engagement dans la résistance. Partir, rejoindre le général de Gaulle, cela veut dire se situer dans une logique de guerre, cela veut dire combattre, cela veut dire avoir un uniforme, et donc cela va attirer un certain nombre de personnes, alors que la résistance, un certain profil, si vous le voulez, alors que la résistance intérieure qui va... dans le cadre des mouvements, plutôt privilégier une action civile, va pouvoir recruter d'autres types de personnes. Juste un élément, les femmes. Il est évident qu'il va y avoir une surmasculinité dans la France libre parce que le combat n'est pas fait, pense-t-on à l'époque, pour les femmes, alors que dans la résistance intérieure, la présence des femmes sera plus massive. Sylvie Zedman, avec ce personnage qui décide de rejoindre le général de Gaulle, nous avons l'acte de résistance. Parce que c'est pas simplement dire « je vais rejoindre le général de Gaulle ». Il faut mettre concrètement en pratique sa décision. Ce n'est pas simple. Faut trouver l'itinéraire qui va nous conduire jusqu'en Angleterre. C'est une petite épopée, mais c'est une épopée. Ah oui, c'est déjà une première épopée. Je dirais que quand on regarde le parcours de Leclerc, on voit que c'est un parcours qui est fait d'épopées, de petites épopées. Et c'est d'ailleurs très étonnant qu'il n'y ait pas eu un film qui soit fait là-dessus, tellement c'est étonnant de combativité, en fait. Et c'est ça, moi, que je retiens, c'est la combativité de cet homme que rien ne va arrêter. Donc, il va falloir qu'il rejoigne Paris. À Paris, il est apparenté au devant d'elle. Donc, il va décider de rejoindre sa femme. C'est à Paris qu'il entend parler de l'appel du général de Gaulle, quelques semaines après que le général l'ait prononcé. Et puis après, il va continuer donc sur la région de Bordeaux, de là se rendre dans les Pyrénées, passer la frontière, être emprisonné quelque temps en Espagne, finalement arriver à s'échapper et puis rejoindre l'Angleterre. Et finalement, il arrive en juillet 1940 en Angleterre. Parce que nous avons cette lecture en connaissant exactement l'organisation de la résistance, le général de Gaulle. Mais tout cela se joue en quelques jours. C'est un bazar absolu. J'imagine que s'il a entendu parler de l'appel du général de Gaulle, d'accord, il peut imaginer qui est le général de Gaulle. Mais quand il arrive à Londres, rien n'est organisé encore. Non, rien n'est organisé. Donc vous avez des sergents recruteurs qui vont aller dans les camps de réfugiés pour essayer de rallier les bonnes volontés auprès du général de Gaulle. Alors il faut souligner qu'ils ont peu de succès parce que vous avez quand même des milliers de Français à Londres. Hein. Vous avez, bien entendu, vous l'avez souligné, des Français qui vont quitter la métropole pour aller à Londres. On peut dire que c'est, alors, facile, non, mais vous avez quand même des bateaux qui quittent la France pour aller en Angleterre, pour rapatrier des soldats polonais. C'est ainsi que Daniel Cordier, le futur secrétaire de Jean Moulin, va rejoindre l'Angleterre. Mais ce qui est facile en juin va être impossible en juillet. Bien. Donc vous avez cette difficulté, mais vous avez également, indépendamment des difficultés matérielles, les risques. Alors, aujourd'hui, bien évidemment, lorsque l'on regarde les camps de concentration, la torture, les exécutions, on se dit au fond, mais rester auprès du général de Gaulle, cela veut dire risquer d'exposer ses proches, perdre ses biens, être condamné pour désertion. Donc il y a un prix à acquitter qui est quand même extrêmement élevé et la justice du maréchal ne ferme absolument pas les yeux. Hein. Donc le risque est énorme et c'est ce qui explique que beaucoup de Français qui étaient en Angleterre, rapatriés par exemple de l'expédition de Norvège vont décider de rejoindre la métropole pour les raisons que je viens d'évoquer. Et oui, parce que il y a toujours cette idée de famille, de proches, on ne peut pas partir, laisser tout le monde. Pour cet homme qui décide de rejoindre le général de Gaulle, le risque est immense, il en est où de sa vie ? Alors, c'est bien pour ça qu'il change de nom, en fait. Philippe de Hautecloque va décider, aux environs de à Gruger l'hôpital, au cours de son périple, de changer de nom et de se faire appeler Leclerc. Il décide ainsi de protéger sa famille. Lui, il est père de famille, et il est marié, il est père de famille. C'est un homme qui est bien installé en Picardie, hein. Ses ancêtres ont fait les croisades. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très connu, hein, de l'aristocratie française. Et donc il a besoin de protéger sa famille. C'est vrai que ça n'est pas un acte anodin. Et il prend conseil, et ça c'est intéressant, auprès de sa femme avant de partir. Voilà, il demande l'avis de sa femme, il discute, et c'est elle qui va lui dire qu'elle est tout à fait d'accord pour qu'il parte à Londres. Elle reste en France, elle. Elle reste en France. Olivier Vivorca. Oui, ce qu'il faut souligner, et Sylvie Zedman le rappelait, c'est que Philippe Leclerc de Hautecloque n'est pas un enfant des classes populaires. Or, contrairement à ce que l'on croit, et l'historien Jean-François Muratiol l'a montré, la France libre va recruter, en gros, plutôt dans les CSP+, dirait-on aujourd'hui, que dans les milieux populaires. Donc vous allez avoir toute une jeunesse des écoles, donc des individus promis à un bel avenir, qui doivent composer ce que l'on appellera les élites, et qui, effectivement, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, composeront les élites. Donc c'est un recrutement qui est plutôt un recrutement privilégié, ce que n'est pas, bien évidemment, le recrutement des communistes. Et donc, de ce point de vue-là, Leclerc n'est pas nécessairement une exception en termes de profil social. Avec tout ce qu'il porte comme histoire, et vous l'avez rappelé, hein, Sylvie Zedman, il y a alors cette noblesse qui remonte aux croisades, et tout le monde ne peut pas avancer cette noblesse-là, donc c'est porteur de tout un imaginaire, et puis il y a cet engagement auprès de l'extrême droite, enfin des idées de Maurras, nous sommes proches de l'Action française, avec là aussi cette volonté d'agir pour la France, et de combattre, ça on l'entend bien dans ce que porte le général Leclerc. Il faut combattre, il faut agir, mais presque par tradition, par devoir familial. Oui, bien évidemment, il y a cette volonté de combattre. Et c'est là l'un des problèmes aussi qui peut opposer la résistance intérieure à la résistance extérieure. C'est que, au fond, rejoindre Londres, c'est la promesse de pouvoir lutter. Donc, de lutter les armes à la main. Et c'est bien ce que Cordier souhaite. Petit problème, mais on y reviendra. En fait, on se bat assez peu entre 40 et 43. Vous n'avez pas énormément de théâtres d'opération où le Royaume-Uni et les États-Unis sont engagés. Bien. Et donc, Daniel Cordier va ronger son frein. En attendant, précisément, de pouvoir lutter les armes à la main. La promesse de la résistance intérieure est beaucoup plus compliquée. Et l'un des problèmes que les organisations de résistance en métropole éprouvent, c'est de savoir adresser des consignes d'action à la population. On est contre les Allemands, éventuellement on est contre le régime de Vichy, mais que peut-on faire ? Alors, la résistance intérieure va être obligée d'inventer les termes de son action, ce qui va être compliqué. Elle va diffuser de la presse clandestine, elle va essayer de protéger les civils, de diffuser les faux papiers, etc., etc. Alors que les modalités d'action pour les Français libres sont beaucoup plus simples. Il s'agit de combattre, il s'agit de faire la guerre. Oui, mais faire la guerre où ? Parce qu'il y a de ça aussi, c'est la question, Sylvie Zedman, qui se pose. Là, nous sommes en juin 1940, celui qui n'est pas encore le général Leclerc, hein, Philippe de Hautecloque, arrive à Londres, il rejoint le général de Gaulle, il veut combattre, mais sur le moment, il n'y a pas de lieu où on peut l'envoyer, pas encore. Alors, la situation est un peu plus compliquée que ça. Hein. Olivier reparlera du fait que de Gaulle n'a pas... pas de territoire, n'a pas de légitimité, parce que ça c'est très très important. Celui qui arrive à Londres est déjà Leclerc. Il est déjà même, je dirais, psychologiquement Leclerc. Hein. Et face à De Gaulle est ravi, hein, c'est le premier officier breveté de l'armée de terre qui se joint à lui. Donc face à De Gaulle en fait va le charger d'une première mission qui sera une mission politique. Parce que De Gaulle a besoin d'un territoire. Il a besoin d'asseoir une légitimité qu'il n'a pas. Ça n'est pas un gouvernement en exil. Hein. De Gaulle et ses premiers compagnons ne sont pas un gouvernement en exil. Donc, comment comment dire qu'il incarne la France et que la France va combattre ? Mais d'abord, il faut des hommes, il faut un territoire. Pourquoi Leclerc à ce moment-là ? Pourquoi ce choix de nom de Leclerc ? Alors ça, on ne sait pas trop. On sait que c'est un nom qui est un nom picard assez courant. Mais on ne sait pas pourquoi il a choisi ce nom. Simplement, je voudrais faire remarquer qu'il a renoncé à sa particule. Ce qui n'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Et puis, Hauteclocque et Leclerc, enfin, dans la sonorité du nom, il y en a un qui fait un peu plus populaire que l'autre. C'est une volonté peut-être... un peu comme on s'engagerait comme soldat, eh bien, c'est de dire voilà, j'enlève la particule, j'enlève toute cette origine que j'affiche par mon nom, et puis je vais combattre. C'est une façon de protéger sa famille aussi avec un nom qui est plus passe-partout, je dirais. C'est une mue qui s'est effectuée. Probablement, c'est une mue qui s'est effectuée. Et alors, à Londres, Leclerc va rencontrer son cousin Germain, qui est déjà à Londres, qui s'appelle Pierre de Hauteclocque, qui est déjà installé parmi ce qui va devenir les Français libres. Et il lui dit, maintenant, c'est fini, je m'appelle Leclerc. Oui, parce que c'est vrai que dans ces combattants autour de Leclerc, on va trouver des noms qui évoquent toute une origine sociale, alors que ce soit Hauteclocque, il y a les Larmina, les Colonna, enfin Ornano, etc. On trouve tout cela. On peut dire, Olivier Vivorca, qu'au moment où se construit cette France libre, on va retrouver un peu ces grandes familles politiques en écho à ce qu'il y a en France, mais peut-être avec une surreprésentation, ce que vous disiez de ces élites. Oui, tout à fait. Il y a une surreprésentation des élites dans la France libre. Tout simplement aussi parce que le fait de traverser la Manche suppose un capital social, un capital financier, un capital intellectuel que tous les Français n'ont pas nécessairement à l'époque. Je rebondis sur ce que disait Sylvie Zedman sur le problème de où faire la guerre. Il y a un élément quand même qu'il faut souligner, c'est que De Gaulle ne pense pas à mener la guerre en Europe. En d'autres termes, on fait très souvent du général de Gaulle le père de la résistance intérieure. Au fond, les résistants de l'intérieur se seraient levés en écoutant la Sainte Parole. De mon point de vue, rien n'est plus faux. De Gaulle, lorsqu'on lit l'appel du 18 juin, appelle les Français non à lutter en métropole, mais à le rejoindre. Et c'est une très grande différence avec Churchill, il ne croit pas à ce que l'on va appeler rapidement la guerre irrégulière ou la guerre subversive. De Gaulle croit dans l'espionnage, le deuxième bureau, et de fait, les services secrets de la France libre, le BCRA, confiés au futur colonel Passy, seront d'une très grande efficacité. Mais De Gaulle n'est pas du tout dans une logique qui va mener Churchill à créer le SOE, le Special Operations Executive, chargé, dit Churchill, d'embraser l'Europe. On n'est pas du tout ici dans cette idée. Donc, et je termine sur ce que disait Sylvie Zedman, il va falloir faire la guerre, mais où ? En Afrique, pour effectivement essayer de rallier des territoires et accroître la légitimité. Mais De Gaulle, au fond, a un éventail d'options extrêmement limité. Par exemple, l'Indochine. En Indochine, c'est mort. Les Japonais ont pris position en juillet 1940. Bon, donc, l'Indochine, c'est pas possible. Donc, il n'a pas un éventail de choix extrêmement important. Dès son appel du 18 juin 1940, le général de Gaulle avait évoqué l'Empire. Il y a l'Empire qui est toujours là. Et au mois d'août, eh bien, il peut présenter l'Afrique comme nouveau terrain de combat. Le 26 août, le territoire du Tchad s'est rallié aux forces françaises libres. Sous l'impulsion de son gouverneur et de son commandant militaire. Le 27 août, le Cameroun, dans un immense mouvement de foi, d'ordre et de discipline, s'est spontanément placé sous la direction de mes représentants. Ceux-ci assument directement l'administration du mandat français et le commandement des troupes. Hier, 29 août, à Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, mon représentant, acclamé par toute la population et obéi par toutes les troupes, a pris en main les pouvoirs civils et militaires. En juin 1940, tout était à construire. Nous sommes seulement au mois d'août et Olivier Vivorca, ça y est, ce territoire dont avait besoin le général de Gaulle, qu'évoquait Sylvie Zedman, il se construit en Afrique. Alors, il se construit en Afrique, c'est-à-dire que vous allez avoir, dans un premier temps, en août, trois États qui vont basculer dans le congoliste, le Cameroun, le Tchad et le Congo. Le Gabon échappe à l'emprise du général, mais va finir par se rallier le 10 novembre 1940. Alors, c'est un instrument de légitimité, on l'a dit, mais il ne faut pas oublier aussi que l'Empire, ce sont des ressources. Ce sont des ressources, d'abord, en matière première. Alors, en matière première, ce ne sont pas nécessairement non plus les États les plus riches. Mais on est à un moment où vous avez une désorganisation totale des flux commerciaux internationaux. Et donc, les moindres ressources, même si c'est, par exemple, du caoutchouc naturel, un peu de coton ou autre, ce sont des ressources qui comptent. Sans oublier, bien évidemment, l'or. Et ce sont des ressources en hommes. Car lorsque l'on évoque les Français libres, on parle des hommes qui se sont ralliés à Londres, qui vont rejoindre le général de Gaulle, mais il ne faut jamais oublier que la grande majorité des troupes de Leclerc sont des troupes coloniales. Et ici, l'historien a un problème, à savoir, quel est le degré de volontariat des coloniaux qui rejoignent le général de Gaulle et quelle est la part de coercition ? Quelle est la part de pression exercée par l'administration française ou par les chefs coutumiers pour rejoindre le général de Gaulle? Et vous avez ici très certainement des sentiments mêlés qui vont pousser à l'engagement. Parfois le désir d'aventure, le fait d'être nourri convenablement, d'être habillé convenablement dans des populations qui vivent un total dénuement. Et puis aussi, parfois, eh bien, la pression exercée qui fait que l'on ne peut pas se dérober. Ce qui veut dire, et il faut le souligner aussi, c'est que cet empire va être soumis à des pressions extrêmement fortes pendant toute la guerre. Pression de Vichy, bien entendu, mais pression de la France libre aussi. Le travail forcé ne va pas disparaître. Et Félix Éboué, qui est un très grand humaniste, ne va pas supprimer toutes les formes de suggestion qui frappent les populations colonisées. Donc il ne faut pas ici embellir la réalité des colonies, y compris sous la Croix de Lorraine. Cela a été très dur pour les colonisés, y compris d'ailleurs en termes alimentaires, avec des disettes extrêmement fortes. Et donc cela n'a pas été du tout, contrairement à ce que l'on pourrait croire, un âge d'or. On peut ajouter un dernier point, c'est que les territoires qui se rallient au général de Gaulle sont très sincèrement les territoires les moins intéressants de l'Empire. Ce n'est pas le Maghreb, avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie qui font figure d'Eldorado, comparé bien évidemment au dénuement du Tchad, et ce n'est pas le Sénégal. Ce n'est pas le Maghreb, mais le Maghreb est l'objectif quand le général Leclerc se rend en Afrique. Les soldats du désert, Leclerc et les Britanniques, 1940-1943, c'est le titre de cette expo au Musée de la Libération de Paris, musée du général Leclerc, musée Jean Moulin, dont vous êtes la directrice Sylvie Zenman, avec ici une date, 1940, c'est l'arrivée du général Leclerc. Alors attention, comment débute cette aventure? Mais on parlait, et en reprenant les mots d'André Malraux, de clochards épiques, mais oui, ils sont pas armés, enfin, ils ont rien, ils arrivent, et puis il y a tout à construire. Ils arrivent où déjà, le général Leclerc? Déjà, ils arrivent à Troyes. C'est pas ils beaucoup. Ils ne sont que trois. Les émissaires de Gaulle ne sont que trois. Et ils arrivent en fait au Nigeria. Et Nigeria, donc, qui est britannique. Et ils sont très bien accueillis par le gouverneur britannique du Nigeria, qui s'appelle Bourdillon. Et par le secrétaire du gouverneur, Miles Clifford, qui vont en fait faire tout ce qu'ils peuvent pour soutenir ces hommes. Donc ils arrivent le 12 août. Et là, problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Leur ordre de mission, alors qu'on montre dans l'exposition, hein, c'est une page et demie. Une page et demie pour leur dire, faut rallier les territoires à la France libre. Il faut prendre contact avec les Britanniques et tisser les liens avec les Britanniques. Et c'est ça qui nous a intéressé aussi dans l'exposition, c'est de voir à quel point le soutien des Britanniques est manifeste sur le terrain, même s'il y a des contraintes, des contradictions, les autorités militaires britanniques ne sont pas convaincues. Néanmoins, c'est grâce à ce soutien du terrain que va pouvoir s'organiser en fait le ralliement avec 17 pistolets et une vingtaine de soldats, le ralliement du Cameroun, puis en fait toute l'épopée des soldats du Tchad en Libye. Oui, parce qu'il arrive au Niger. Enfin, pourquoi ne pas se rendre directement dans un territoire français. Alors, ça aurait pu être le Sénégal, il y avait Brazzaville. Bon, pour le Maghreb, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on sent bien ici, et c'est pour ça que dans le titre de l'exposition qu'il y ait les Britanniques, on sent vraiment l'importance de ce lien entre la France libre et les Britanniques. Là, au tout début, hein, nous sommes à l'été 1940. Vous avez entièrement raison, et Sylvie Zedman vient de rappeler l'importance du concours prêté aux Britanniques. Soulignons qu'il ne va pas de soi, parce que les Britanniques ont quand même un peu peur. Ils ont soutenu De Gaulle, donc vous avez ce geste fondateur de l'accueil par Winston Churchill de De Gaulle, vous êtes la France, je vous reconnais, même si vous êtes seul. Bon, donc il y a toute une part de romantisme, et de romantisme qui, de la part de Churchill, n'est pas fin. Voilà, Churchill aime les grands personnages. Bon. Mais dans le même temps, il ne faut pas oublier plusieurs choses. Premier élément, Churchill est très déçu par la France libre. Parce que il imaginait que des milliers de volontaires se presseraient. Bon, or, ce n'est pas le cas. Et vous avez bien entendu des pilotes français qui participent à la bataille d'Angleterre, mais bien moins nombreux que les pilotes polonais. Donc il y a une déception. L'autre élément, c'est que Churchill pense quand même toujours qu'on peut attendre quelque chose de Pétain. Donc il faut pas trop titiller la bête. Il faut pas trop titiller la bête, donc vous avez des consignes qui sont données à la BBC et qui rendent le général de Gaulle fou de ménager Pétain. Et le troisième élément, c'est que si jamais on aide les rebelles à prendre des territoires, ne risque-t-on pas d'avoir des affrontements en Afrique? Est-ce que Vichy ne va pas mener des opérations aidées par l'Allemagne contre l'Empire britannique, un Empire britannique qui a très peu de moyens pour se défendre, très très peu de moyens pour se défendre? Or, cette hypothèse, elle est défendue dans les cercles allemands par l'amiral Raeder, par le général Varlimont. Vous avez des plans qui sont échafaudés en 1940 pour, effectivement, frapper l'Empire britannique en Afrique. Et, par conséquent, je comprends que les gouverneurs britanniques hésitent un peu à soutenir Leclerc en se demandant s'il n'y aura pas des répercussions sur l'Empire britannique en Afrique. Eh oui, parce que ne serait-ce que couper le canal de Suez, et pour l'Empire britannique, d'un seul coup, tout est déstabilisé, avec cette position complexe hein, des uns, des autres, face au général de Gaulle, les États-Unis qui regardent tout ça avec distance, et Churchill aussi. Le 21 octobre 1940, Churchill s'exprime à la BBC, il s'adresse en français, aux Français. Nous sommes quelques jours avant l'entrevue de Montoire quand le maréchal Pétain accepte la collaboration. Allons, bonne nuit. Dormez bien, rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra, elle se lèvera, brillante pour les braves, douce pour les fidèles qui auront souffert. Glorieuse sur les tombeaux des héros. Vive la France! Et vive aussi le soulèvement des braves gens de tous les pays qui cherchent leur patrimoine perdu et marchent vers les temps meilleurs. Et oui, la marche vers les temps meilleurs par Churchill en octobre 1940. Sylvie Zedman, au même moment, c'est vrai que pour Leclerc et ses hommes, bon, ben bien sûr, eux, ils marchent, mais j'ai presque envie de dire, ils ne voient pas trop où ils sont, ils ne savent pas trop cette aventure. Et vraiment, faut la présenter ainsi, ces soldats du désert, c'est un bricolage magnifique. Mais ils sont dans un territoire inconnu, ils manquent de cartes, et c'est peu à peu que ça se construit, cette avancée. Oui, alors, en fait, en octobre 1940, De Gaulle prévient Leclerc, qui, pour l'instant, administre le Cameroun, et lui explique que maintenant, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Il faut que la France rentre dans le combat. Et donc, où ? C'est ce que disait Olivier Vivorca, il n'y a pas tellement d'options. L'option, c'est le Tchad qui est frontalier de la Libye qui est occupée par les Italiens. Donc Leclerc est envoyé au Tchad avec extrêmement peu de moyens. Et alors, on sait que les relations entre De Gaulle et Churchill sont parfois extrêmement tendues. En tout cas, sur le terrain, les relations avec les Britanniques vont plutôt se passer bien. Quand Leclerc arrive au Tchad, en fait, les Anglais sont déjà passés par là. Le Long Range Desert Group est prêt à mener une action contre les Italiens en Libye et il a besoin des Français. Alors, j'ai eu accès à l'entretien de Ralph Beignold, on le passe hein, dans l'exposition, on le traduit. Ralph Beignold qui a créé ce Long Range Desert Group, donc des unités motorisées qui font des raids de reconnaissance dans les territoires libyens. Donc, il est allé au Tchad en se disant, bon, peut-être que ce sont des Français libres, on va voir. Et donc, il obtient le soutien des Français libres, de Colonna d'Ornano qui est au Tchad. Et il commence à monter une opération sur Mourzouk, en Libye. Donc, déjà, lorsque Leclerc arrive, les choses sont engagées avec des unités britanniques pour porter le fer contre les Italiens en Libye. Il dispose de quel homme à ce moment-là, le général Leclerc? Alors là, ils ne sont plus trois, ils sont un peu plus nombreux quand même. Un petit peu plus nombreux, mais pas tellement, parce que c'est, quand on regarde les forces au Tchad, ce sont à peu près 6000 hommes. Tirailleurs sénégalais, 6000 tirailleurs sénégalais, dont quelques centaines d'Européens. Hein, c'est vraiment très peu, hein, très peu de troupes pour administrer un territoire immense. Et donc il va falloir que Leclerc s'adapte lui-même à la guerre du désert, ce qui n'est pas du tout une évidence. Alors, il connaît un peu le Maroc, mais ça n'est pas une évidence pour lui. Et il va observer la façon de faire du Long Range Desert Group. Alors, dans l'exposition, on a des objets qui proviennent des collections britanniques pour évoquer ces Néo-Zélandais, hein, principalement, qui étaient des sortes de mercenaires du désert. Et puis, et puis il va lui-même lancer une opération méhariste, c'est-à-dire dromadaire, hein, pour voir comment ça se passe. Et il va en tirer toutes les leçons. Il va capitaliser les leçons du raid sur Mourzouk et du raid méhariste pour justement se forger son idée avant de lancer ce qui va être le grand raid sur Koufra. Oui, parce que il y a un objectif hein, qui est évident, qui le fait remonter de plus en plus vers le nord. Alors, il faut évoquer les forces en présence, parce que qui peut-il rencontrer? Alors, il y a des Italiens, parce qu'ils sont là, en Libye. Mais les Allemands sont là aussi. Et puis, il y a aussi des Français, mais qui, eux, sont ralliés au maréchal Pétain. Donc, quelles sont les forces en présence face au général Leclerc? Alors, il faut, de ce point de vue, rappeler, globalement parlant, que l'Afrique a toujours été un théâtre d'opérations secondaire. Et pour les Allemands, et pour l'Axe, et pour les Alliés. Et dans le même temps, ce continent a suscité énormément de fantasmes. L'idée, au fond, qu'on pourrait emporter la décision sur ce théâtre d'opération. Alors, au départ, tout commence par l'Italie. L'Italie qui voit la France à genoux, l'Angleterre, le Royaume-Uni en très mauvaise posture, et qui va décider d'attaquer de Libye vers l'Égypte. Et les Britanniques vont réussir à contre-attaquer, on est ici en 1940, et vont menacer les positions italiennes. Et à partir de ce moment-là, Adolf Hitler va envoyer ce qui va devenir ce qu'on appelle l'Afrika Korps, commandé par un jeune général Erwin Rommel, tout simplement pour aider des alliés italiens qui sont en très mauvaise posture. Et à partir de février 1941, date de l'arrivée des unités allemandes, la guerre du désert va changer de nature. Elle va changer de nature parce que il va y avoir des enjeux stratégiques. Et le grand enjeu stratégique, c'est le contrôle de l'Égypte et du canal de Suez, qui est vital à l'époque tout simplement parce que le non-contrôle de la Méditerranée oblige les convois qui partent du Royaume-Uni ou des États-Unis à passer par le cap de Bonne-Espérance, ce qui est bien évidemment une perte en essence, enfin en fuel, ou en charbon, une perte en temps, une perte en fret. Bon, donc tout cela, bien évidemment, est un problème. Et puis, la guerre du désert va aussi alimenter la propagande, tout simplement parce qu'elle enflamme les imaginations. Elle enflamme les imaginations parce que vous allez avoir la construction par la propagande allemande du personnage de Rommel, et parce que vous allez avoir une contre-propagande, notamment après El Alamein, gagnée en octobre 1942 par le général Montgomery. Vous allez avoir donc ces figures qui vont apparaître dans la guerre du désert, et Leclerc est l'une de ces figures. Ce n'est pas la seule, on pourrait également citer Koenig et la bataille de Bir Hakeim. Donc on a au fond un surdimensionnement dans la mémoire collective de combats en Afrique qui n'ont jamais quand même mobilisé que 5-6 divisions et qui n'ont jamais été un enjeu stratégique majeur. La grande affaire, elle se joue à l'époque, bien entendu, à l'Est. Oui, c'est le front de l'Est, c'est l'URSS. Mais attention, imaginez l'engagement en Afrique, ça a un écho avec ce front de l'Est. En fait, ça permet aussi de soulager un peu la pression qui est faite sur les Soviétiques. Alors, le grand soulagement pour Staline, et notamment au moment de la bataille de Stalingrad, mais là on a enjambé quelques mois, c'est que pour secourir l'Afrika Korps, Hitler va décider d'envoyer toute une partie de l'armée de l'air, de la Luftwaffe, en Afrique du Nord. Ce qui veut dire que le front de l'Est, du point de vue aérien, va être dégarni au bénéfice de l'Afrique du Nord. Et bien évidemment, cela va compter. Mais sinon, vous avez quand même assez peu d'effectifs qui combattent en Afrique du Nord jusqu'au moment où les Alliés débarquent, le 8 novembre 1942. Dans le même temps, et Sylvie Zedman le rappelait, c'est une guerre avec la personnalité de Leclerc, qui est une guerre extrêmement romantique. Alors, c'est une guerre qui parle à l'imagination, parce que les hommes combattent dans des conditions extrêmes, parce que l'eau manque, parce que le dénuement est total, parce qu'on est dans un bricolage héroïque. Et puis avec cet objectif qui, dans un premier temps, est la Libye alors italienne, et vous parliez d'imaginaire, vous parliez de faire un film autour de Leclerc, bien sûr, il mériterait un magnifique scénario, mais cette épopée a déjà inspiré, et elle nous conduit sur la côte libyenne jusqu'à Tobrouk. Je crois, docteur, que l'homme de Néandertal est en train de nous le mettre dans l'os. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Vienne le jour de ma victoire, écrasant les années passées, où l'amour a vécu sans gloire. Vienne avec toi le temps d'aimer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra et je sécherai mes pleurs sur tes joues, mon ange, dans tes bras, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des ans. La marche des anges de Charles Aznavour dans le film de Denis de la Patellière en 1961, Taxi pour Tobrouk, c'est un film tellement magistral avec Lino Ventura. Dont il faut souligner que Denis de la Patellière, qui est intervenu à un colloque, rappelait que c'était un film pacifiste. Dans son esprit, c'était pour dénoncer la guerre qu'il avait fait ce film. Et voilà, je pense qu'il fallait le rappeler. Ben oui, faut le rappeler parce que, en plus, la route est longue pour Tobrouk. Tobrouk, c'est sur la côte, mais partant du Tchad, Leclerc et ses hommes se dirigent de plus en plus vers le nord. Mais voilà, Tobrouk est loin et c'est à Koufra. Vous l'avez dit, Sylvie Zedman, qu'il se passe un moment, mais qui fait partie de ce long imaginaire construit autour de cette épopée. Les soldats du désert, Leclerc et les Britanniques, 1940-1943. Que se passe-t-il à Koufra? Nous sommes en 1941, précisément le 2 mars. Alors, avant le 2 mars, il y a eu toute la campagne pour arriver jusqu'à Koufra. Il faut rappeler que dans le désert, les distances sont incroyablement longues, non seulement en kilométrage, mais aussi parce qu'il faut affronter les conditions du désert. Et c'est ça aussi la construction de l'épopée. Mais sur le terrain, les hommes le vivent. C'est-à-dire que ce qu'ils vivent, c'est la chaleur, c'est le vent, le sable, des conditions vraiment extrêmes. Donc, dans le désert, il faut entre 6 et 10 litres d'eau par jour à un homme. Ouais, alors vous imaginez, c'est compliqué. Hein. Vous imaginez, en termes de ravitaillement, la préparation qu'a impliqué Koufra. Alors, ce sont 400 hommes, Koufra. C'est quoi Koufra? C'est petite oasis que décide de prendre Leclerc, mais c'est un point stratégique. Enfin, je veux dire, c'est pas une grande ville, Koufra. Non, c'est pas une grande ville, c'est une oasis dans le désert, avec une forteresse qui s'appelle El Tag, qui est occupée par une garnison italienne assez importante, défendue par une compagnie motorisée qui s'appelle la Sahariana, avec un aérodrome. et des avions. Donc c'est quand même un point de passage très important en Libye. Et surtout, si on regarde une carte, on voit bien que c'est un point de passage en fait entre l'Égypte, le Tchad, la côte. Donc c'est absolument, c'est un point très intéressant. Voilà, c'est un centre névralgique. C'est aussi une forteresse qui est, enfin, une oasis qui était un lieu religieux pour une tribu qui s'appelait les Senoussis, qui ont été très maltraités par les Italiens. Et qui vont aider les Français libres, d'ailleurs. Donc, c'est un point névralgique, même si c'est un petit point au milieu du désert. Hein. Ça, c'est vrai que c'est toujours très intéressant de voir à quel point on est sur une toute petite histoire par rapport à la grande histoire. Avec, dans cet imaginaire, un serment prononcé à Koufra. C'est toujours repris, voilà. Mais c'est très important aussi, parce que cette mythologie-là participe de cette histoire. Ah, il n'y a pas que le serment, il y a aussi le fait que Leclerc donc s'adapte aux conditions sur Koufra. Il a été repéré, en fait le Long Range Desert Group a été repéré, donc il peut plus faire une attaque surprise comme il l'avait prévu. Donc il y a toute cette histoire du seul canon qu'il a pu emmener et qu'il bouge pour faire croire aux Italiens qu'il y a une multiplicité de canons qui sont en train de les attaquer. Il y a ces véhicules qui partent de nuit sans bruit et qui reviennent tout feu allumé pour faire croire qu'il y a toute une armée qui assiège le fort. Et en fait, finalement, il obtient, en brutalisant un petit peu les Italiens, il obtient la reddition de la garnison italienne. Et là, c'est la mythologie du serment de Koufra. Mais même si on pense qu'effectivement, c'est pas fait comme ça, mais il n'y a pas eu de serment le lendemain de la prise de Koufra, donc le 2 mars 1941, mais il y a eu quand même un discours qui a été prononcé à ces hommes, très certainement, où il a dit « Attention, on va lutter ensemble jusqu'à Strasbourg. » Jurer de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront à nouveau sur la cathédrale de Strasbourg. Alors, peut-être des formations de propos qui ont été dites, mais c'est drôlement beau. C'est très beau. C'est maintenant on sait qu'il avait raison, puisqu'en 1944, en novembre 1944, Leclerc arrivera à Strasbourg et fera flotter le drapeau français sur la cathédrale de Strasbourg. Drapeau que nous montrons dans l'exposition. Nous avons le musée de Strasbourg nous a prêté ce drapeau, mais pour l'instant, il s'agit d'une poignée d'hommes en plein milieu du désert et qui n'a pas les moyens de garder le fort de Koufra. Donc, ce que va faire Leclerc, c'est simplement des raids. Il faut voir ça, hein. Il n'a pas les moyens de faire une conquête. Il fait des raids dans le désert. Et Leclerc, ce sont quelques hommes dans le désert, avec une réelle importance, bien sûr, mais qui doit se comprendre dans un mouvement beaucoup plus vaste. Olivier Vivorca, vous avez dirigé avec Jean Lopez les grandes erreurs de la Seconde Guerre mondiale. Et quand vous étudiez ce qui se passe en Afrique du Nord pendant cette guerre, notamment l'opération Torche, eh bien, là aussi, vous avez cette relecture où il est nécessaire de ne pas être porté par l'idée d'une victoire absolue. C'est beaucoup plus complexe. C'est un pari, en fait, qui est fait, mais qui est extrêmement risqué. Alors effectivement, le 8 novembre 1942, les Anglo-Américains débarquent en Afrique du Nord. Donc il faut rappeler en novembre 1942 que les forces de l'Axe sont sur le repli. Rommel a essayé de lancer une offensive, enfin a lancé une offensive pour déboucher sur le canal de Suez. Cette offensive a été bloquée à El Alamein. Et en octobre 1942 commence le reflux. Donc Rommel va quitter l'Égypte pour se replier sur la Libye. Et au même moment, en novembre 42, donc, le 8 pour être précis, les forces anglo-américaines débarquent au Maroc et en Algérie, avec pour ligne de mire, pour point de mire, la Tunisie. Le grand objectif, c'est de débarquer en Tunisie. Alors, il faut bien souligner que cette opération est une opération impure. Je m'explique. C'est une opération impure parce qu'elle n'est pas faite nécessairement pour des motifs stratégiques. Les généraux américains ne veulent pas débarquer en Afrique du Nord. Donc Roosevelt va imposer la décision contre le vœu, notamment du chef d'état-major des armées, le général George Marshall. Les Américains souhaiteraient, et de beaucoup, intervenir en Europe, monter un débarquement pour 1943. Mais Churchill va convaincre Roosevelt d'agir. Churchill, lui, veut intervenir tout simplement parce que les Britanniques sont faibles. Et donc, ils ne peuvent pas mobiliser des gros effectifs dans une opération qui sera celle de l'opération du débarquement en Normandie. Donc, il joue Churchill avec des atouts limités. Les gros atouts de Churchill, c'est la Royal Air Force et la Royal Navy. Donc, il essaye d'agir sur des théâtres d'opérations périphériques avec l'idée de mener une guerre d'attrition pour épuiser le Troisième Reich, pour que, une fois épuisé, on puisse lui porter l'estocade. Et Roosevelt... Voilà. Et donc, il jette son dévolu sur la Méditerranée, qui est en gros le théâtre d'opération le plus facile, mais qui correspond également aux intérêts bien compris du Royaume-Uni, contrôler la Méditerranée, contrôler le Mare Nostrum. Et Roosevelt se laisse convaincre parce qu'il a en ligne de mire les élections de mi-mandat, les mid-term elections, qui ont lieu en octobre. Et il se dit, alors qu'il est, dirait-on aujourd'hui, challengé par les Républicains, eh bien, il a besoin d'une victoire. Et donc, il se laisse convaincre par les Britanniques, par Churchill. Et l'opération Torche, donc, se déroule. Sauf que les Américains, beaucoup plus que les Britanniques, craignent que les Espagnols et les Allemands n'interviennent. Et donc, ils vont choisir d'intervenir au Maroc. Or, Maroc, Algérie, on est loin de la Tunisie. Et donc, ce qui devait être une campagne éclair pour intervenir en Tunisie, eh bien, va bloquer sur la résistance des Allemands, va bloquer sur les tergiversations des Français qui ne savent pas s'ils doivent aider les Anglo-Américains, va bloquer également sur les difficultés logistiques pour ravitailler les troupes avec des chemins de fer à très faible débit. Bref, l'offensive éclair qui devait s'élancer d'Algérie pour conquérir la Tunisie en un espace de temps, eh bien cette offensive va piétiner et les Allemands vont réagir extrêmement rapidement et faire de la Tunisie une tête de pont. Et donc, cette opération Torche, on peut, dans une certaine mesure, considérer qu'elle a été une erreur, parce que, même si elle a libéré les populations d'Afrique du Nord, eh bien, elle a d'abord conforté Churchill dans l'idée que le théâtre méditerranéen était primordial, et donc, du coup, après l'Afrique du Nord, Churchill va vendre l'Italie, qui va être un désastre stratégique et militaire pour les Anglo-Américains. Et puis, par ailleurs, eh bien, cette Afrique du Nord et ce théâtre méditerranéen vont absorber des effectifs qui vont avoir beaucoup plus de mal à se concentrer sur les îles, sur l'archipel britannique, dans l'idée de préparer Overlord, dans l'idée de préparer le débarquement en Normandie. Voilà, à gros traits, résumé cette affaire. Mais cette affaire n'est pas linéaire, et c'est en cela que la lecture du texte que vous livrez, Olivier Vivorca, dans l'ouvrage que vous avez co-dirigé sur les grandes erreurs de la Seconde Guerre mondiale est pertinent, parce que tout doit être pris en compte. Par exemple, vous expliquez bien que pour l'opinion américaine, l'ennemi c'est le japonais, c'est lui qui a bombardé à Pearl Harbor, mais qu'est-ce qu'on va aller faire en Afrique, la Libye, la Tunisie, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, pour les États-Unis, en tout cas pour son président, il est impératif de réussir à convaincre, et puis il y a ce paramètre des élections que vous avez évoqué. Tout cela se joue en équilibre avec la décision à prendre. Faut-il discuter avec les pétainistes qui se trouvent en Algérie ou plutôt avec le général de Gaulle? C'est important pour saisir la position du général Leclerc dans cette histoire-là. Alors, il est clair que les Anglo-Américains ne veulent pas traiter avec le général de Gaulle en 1942. Ils vont donc, d'abord s'appuyer sur l'amiral Darlan, qui est le numéro 3 du régime de Vichy, et qui se trouve à Alger, où il veille son fils Alain malade. Et donc, vous allez avoir un accord que l'on appelle le Darlan Deal, qui va être passé entre les Anglo-Américains d'une part et l'amiral Darlan de l'autre, qui vont aboutir à un cessez-le-feu, et qui va permettre de rallier les colonies qui jusque-lors étaient favorables au maréchal Pétain, ce qui fait que Roosevelt, jusqu'à la fin, défendra le Darlan Deal, qui est quand même moralement assez discutable, en disant, ben oui, mais il nous a apporté les colonies sans que l'on ait un coup de feu à tirer. L'Afrique occidentale française bascule dans le camp allié. Et puis, vous avez quelques bâtiments, je pense par exemple à la flotte qui avait été désarmée à Alexandrie, en Égypte, qui vont également rallier le camp allié, ce qui n'est pas le cas, soulignons-le, de la flotte de Toulon. Mais il est hors de question de s'appuyer sur le général de Gaulle. D'ailleurs, lorsque Darlan a été exécuté le 24 décembre 1942, les Anglo-Américains vont s'appuyer sur le général de Gaulle, sur le général Giraud, pardon, et non sur le général de Gaulle. Petite parenthèse. Bien évidemment, notre tempérament de Français s'irritent de voir l'aveuglement des Anglo-Américains. Mais il faut se mettre à leur place. Bon. Et Macmillan, qui est le conseiller politique en Afrique du Nord pour les Britanniques, le rappelle. Nous faisons de De Gaulle une superstar et De Gaulle est un immense personnage. Mais lorsqu'il arrive en Afrique du Nord, tout le monde ne se précipite pas à sa rencontre. Lorsqu'il a monté l'opération en septembre 1940 sur Dakar, l'opération Menace, eh bien il a été accueilli à coups de canon. Bon, donc si vous voulez, lorsque les Anglo-Américains doutent de la popularité de De Gaulle, ils n'ont pas nécessairement tort. Lorsque par ailleurs on regarde les archives américaines, on voit que les émissaires du général De Gaulle adressent des signaux contradictoires. Je suis tombé sur un document aux archives américaines où vous avez un proche du général De Gaulle qui dit au ministre des Affaires étrangères américain, Sommerwells, qui dit, vous savez, le général De Gaulle, c'est vrai, il n'est pas commode, mais si vous lui donniez un commandement militaire, cela lui suffirait. Donnez-lui le commandement d'une division. Donc vous avez quelqu'un qui est Adrien Tixier, qui porte la parole du général De Gaulle et qui ne comprend rien à l'ambition du général De Gaulle, qui est précisément de créer un État permettant à la France de rester dans la guerre et non pas d'obtenir le commandement d'une division ou d'un corps d'armée. Donc les Anglo-Américains sont obligés de gérer ces informations et elles ne poussent pas nécessairement les alliés à accorder la confiance aux rebelles. Qu'en est-il du général Leclerc dans cette histoire-là? C'est-à-dire qu'il y a cette victoire à Koufras sur les Italiens, il continue la route, hein, il remonte, donc lui continue le combat sans cesse en lien avec les Britanniques. Pas seulement les Britanniques, hein, d'abord avec la France libre, hein, d'abord avec De Gaulle. Alors il va y avoir bientôt la parution des écrits de combat de Leclerc et on va être, à mon avis, bien informés sur sa façon de percevoir ce qui se passe. Mais il faut bien voir que lui, Leclerc, qui est devenu général en août 41, après avoir reçu d'ailleurs la Croix de la Libération, par De Gaulle après Koufras, De Gaulle qui lui dit « Je vous embrasse ». Attention. Donc, Leclerc, lui, il est tributaire de ce qui se passe sur la côte libyenne et égyptienne. Parce que il ne fait pas une guerre de conquête, il fait des raids, il mène des raids, jusqu'au moment où De Gaulle va lui donner l'ordre, la mission, de rejoindre, de faire la jonction avec l'armée britannique. Mais jusque-là, il ne peut faire que des raids qui l'entraînent, des raids qui permettent de faire parler de la France, de cette France libre. De lui, bon, Koufras a été la première victoire française autonome, hein, des Français libres. Et donc il mène des raids et puis il revient sur ses bases au Tchad. Et là, quand De Gaulle, fin 42, lui dit « Allez-y, il faut faire la jonction », donc, c'est parce que c'est au moment où, effectivement, la situation s'éclaircit après El Alamein, s'éclaircit sur la côte libyenne. Et donc, il va remonter fin 42 et jusqu'au janvier 1943, il va remonter en Libye et en Tripolitaine. Là, il va vraiment faire une remontée pour effectuer la jonction. La jonction se fera le 24 janvier et le 26 janvier 1943, Leclerc rencontre Montgomery. Et la jonction est alors réellement faite. Enfin, c'est cette rencontre entre deux hommes. À quel moment peut-on dire que cette aventure de ces soldats du désert change complètement de cap, Sylvie Zenman, dans cette histoire que vous racontez, les soldats du désert, hein, c'est cette exposition. L'année finale, c'est 1943. Parce que 1943, c'est ce moment où cette colonne devient la deuxième division blindée, où c'est une autre histoire qui s'écrit. Pas tout à fait, pas encore, vous allez trop vite. En fait, ce qui se passe en 1943, après la rencontre entre Montgomery et Leclerc, c'est une autre épopée. À nouveau, on change d'épopée. La colonne Leclerc va passer sous commandement britannique et va devenir la Force L. On l'oublie, mais il y a eu un temps où Leclerc avait des soldats. La Force L, avec ses Français libres, une division de sapeurs, le fameux escadron sacré qui est composé de Grecs. Alors déjà, c'est assez complexe, hein, c'est assez complexe comme force, et complètement rééquipé par les Britanniques. Alors ils vont passer du statut de clochard épique